après tout, ce n'est qu'un jockey. Si l'autre est précédé le suivant, le soleil se lève hier. Il avait fait plutôt semblant. Rien ne paraît troublé. La paix du matin. Pas même le coq qui hurle. Son chant en vain. Après tout, c'est juste une fleur qui. C'est emporté par le vent. En mille couleurs, elle pariait. C'était l'arc-en-ciel en si peu de temps. Rien pourtant ne veut tâcher ce qui lui paraît sain. Pas même les pleurs d'enfance. Il tient. Après tout, ce n'est qu'un état qui prévient l'autre et annule celui d'avant. Et celui d'amour, il est hier, est hier. Alors il reste prudent. Rien ne semble perdre. Après tout, c'est juste un humain qui, malgré son rôle, veut rester cet enfant. L'oiseau étant ses alliés, il n'osait pas, mais comme lui, l'idée lui prend. Rien maintenant ne peut lui barrer son chemin. Ses rêves ont pouvoir sur son demain. C'est comme si le reste du monde. Si le temps chaque jour s'arrêtait là, que la vie repartait à zéro ou un tout autre niveau. C'est comme si tout son vécu. Tourner les pages. d'autres niveaux. Après tout, c'est juste